Bien sur le répondeur de Hey Stéphane. Il est occupé, même. Alors tu laisses un message et il va te recrier la même. D'accord?